Chapitre 8e. Wimmer, cette fois, n'usa d'aucun détour. Il aborda franchement la question. « Un jeune homme, dit-il à Soleil Couchant, qui l'écoutait avec la plus grande attention, a été assassiné cet hiver rue de la Paix, à peu près à la hauteur de la rue Neuve-Saint-Augustin, que vous habitiez alors avec Langlade. Quel détail pouvez-vous me donner sur ce meurtre encore impuni ?»« Mais, dit-elle, comment se fait-il ? Que je m'adresse à toi pour être renseigné ? Rien de plus simple. Ce matin, Langlade, dans un moment d'ivresse et d'exaltation, m'a avoué son crime. »« Alors ?» fit Soleil Couchant. « Cela ne suffit pas, » reprit Wimmer. « Il faut à la justice des détails et des preuves. Je viens vous les demander. »« Interrogez-moi, » dit Soleil Couchant. « Je vous répondrai. »« Depuis combien de temps connaissiez-vous la personne assassinée par Langlade ?»« Depuis 2 jours. »« Vous ne l'aviez jamais vue auparavant ?»« Jamais. »« Où l'aviez-vous rencontrée ?»« Sur les boulevards, à la hauteur de la rue Vivienne, vers les 3 heures de l'après-midi. »« À la hauteur de la rue Vivienne, dites-vous. »« Il venait de la bourse, sans doute ?»« Je l'ai pensé. » Il vous a tout de suite remarqué? Non, c'est moi qui l'ai remarqué. Je le trouvais joli garçon. Que voulez-vous? Je sortais seul si rarement. J'étais si souvent enfermé avec Langlade que tous les hommes me semblaient beaux, les petits hommes surtout. La personne dont nous parlons était donc de petite taille, de taille moyenne. Qu'avez-vous fait alors? J'ai essayé d'attirer son attention, répondit-elle naïvement. De quelle façon? En retournant la tête le plus souvent possible, en m'arrêtant à tous les magasins, en relevant un petit bout de ma robe pour montrer un peu de mon pied, enfin en me livrant à ces petits manèges bien connus des femmes coquettes. Et ces coquetteries ont réussi? Oui. Au bout d'un instant, mon inconnu me suivait. Alors j'ai quitté le boulevard, j'ai pris la rue de Choiseul et je suis arrivé à ma porte. Il s'est avancé, m'a salué très poliment et m'a dit que j'étais fort jolie. J'ai essayé de rougir et j'ai répondu la phrase consacrée en pareil cas. Mais, monsieur, pour qui me prenez-vous? Pour une duchesse, madame, m'a-t-il répondu en souriant, et si vous me permettiez de faire votre connaissance? Je ne voulais pas me montrer trop sévère. Je lui donnai mon nom et l'autorisation de me voir le lendemain à une heure où je savais être libre. Il fut exact. Malheureusement, Langlade, que je croyais occupé ce jour-là hors de Paris, revint à l'improviste. Vous savez le reste, puisqu'il vous a tout avoué. À quelle heure Langlade revint-il vous trouver? Il devait être environ 9 heures, répondit-elle. Ne vous a-t-il dit en rentrant que ces mots, j'ai tué ton amant? « Oui. Que lui avez-vous répondu ?»« Rien. Ce soir-là, il m'aurait tué comme il avait tué l'autre. Il était dans une exaltation extraordinaire. Je ne l'ai jamais vu si terrible. »« Ses mains étaient sans doute tachées de sang. »« Non, et je m'en suis étonné. »« Rien n'est plus simple, » dit Wimmer. « Le sang ne sort pas toujours instantanément d'une blessure. » Et Langlade s'est enfui après avoir commis son crime. « Depuis, vous lui avez reproché cet assassinat ?»« Non, je n'ai pas osé, » répondit Soleil Couchant. « Je vous ai dit, monsieur, que j'ai toujours tremblé comme une feuille devant cet homme. » Il vous en a reparlé, lui? Jamais. Vous rappelez-vous la date précise de cet événement? Il a eu lieu à la fin d'octobre ou au commencement de novembre. Je vous demande la date précise. Je ne la sais pas, monsieur. Cependant, c'est une époque dans votre vie. Sans doute, mais j'ai toujours vécu avec une grande insouciance, sans m'occuper des quantièmes du moins. Vous ne savez pas davantage le nom de la personne que vous receviez chez vous? Je n'ai pas songé à lui demander. Son petit nom même ne lui a pas échappé? Je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas retenu, répondit-elle. Dépeignez-moi ce jeune homme le plus exactement que vous pourrez. Il était de taille moyenne, je vous l'ai déjà dit, brun avec des moustaches assez fines. Elle s'arrêta, chercha dans ses souvenirs et reprit au bout d'un instant. Ma foi, c'est tout. Je ne me rappelle plus. Il y a près de 3 mois, pensez donc, ajouta-t-elle le plus naïvement du monde. Croyez-vous qu'il fût marié? Demanda l'agent de police. Cela se pourrait bien. Il n'avait pas l'air très rassuré lorsqu'il est rentré chez moi. Il paraissait avoir peur d'être aperçu. Quel était son habillement? L'habillement de tout le monde. Je crois cependant qu'il avait un paletot foncé. En effet, dit Wimmer, il n'a eu, continua-t-il, l'occasion de retirer aucun objet de sa poche tandis qu'il était chez vous? Si, il a pris son portefeuille et a voulu m'offrir, m'a-t-il dit, un souvenir. Mais je refusais, je ne suis pas une femme intéressée. Comment était fait le portefeuille dont vous parlez? Réfléchissez bien avant de répondre. Il me semble, dit Stéphanie au bout d'un instant, que ce n'était pas un portefeuille, c'était plutôt un carnet, demanda Wimmer. Oui, c'est cela, un de ces carnets qui se ferment avec des élastiques. Vous rappelez-vous sa couleur? Oh oui, il était rouge. Allons, il n'y a plus à douter, se dit l'agent de police. Ces renseignements sont incomplets, mais il y en a de fort précis. Êtes-vous satisfait de ce que je vous ai dit? Demanda-t-elle timidement, en essayant toujours de se rapprocher de Wimmer. Satisfait, moi, dit-il avec brusquerie. pas le moins du monde, je ne tenais nullement à ce que Langlade fût coupable de ce crime, mais du moins qu'il l'est, le devoir avant tout, ajouta-t-il en soupirant. Il se leva et dit « Je n'ai plus rien à vous demander pour le moment. Ma visite est terminée. Adieu. »« Quoi ? Je ne vous reverrai plus ? » ?»« Peut-être. Je n'en sais rien. » Elle l'entoura de ses bras, sans qu'il pût se soustraire à cette accolade, et lui dit d'une voix suppliante « Ah, revenez, je vous en prie. »« Drôle de fille, » murmura l'agent de police en la regardant. « Si je le voulais cependant, je succéderais à Langlade. J'aurais une maîtresse, moi, Bibert. Cela vaudrait peut-être mieux. » Il prit doucement les bras de soleil couchant, les écarta, et la repoussa un peu. « Ma bonne amie, préparez-vous à revoir votre cher Langlade. Avant une demi-heure, on le conduira au parloir. » Cette phrase produisit sur la tendre Stéphanie l'effet d'une douche d'eau glacée. Elle se recula en s'écriant. « Vous me jurez qu'une grille nous séparera ? Je te le jure. »« Adieu, » fit-il en ouvrant la porte. « Adieu, » fit-elle tristement. Quand elle fut seule dans sa cellule, elle recommença comme une enfant à jouer avec ses cheveux. C'est ainsi qu'elle se préparait à revoir son amant.